Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Adolbo-Mistassini, canadiantire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. Et c'est le Red Champagne, c'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Gagnant la chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. On continue notre tour d'horizon des meilleurs espoirs qui en vue du repêchage de la Ligue de hockey junior du Québec qui sera présenté le 2 mai prochain. La semaine passée, on a parlé avec Hendrix Lapierre. Là, maintenant, on va parler avec Patrick Gay, qui est classé au troisième rang par la centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Salut, Patrick. Bonjour. Patrick, d'abord, évidemment, le repêchage classé au troisième rang, est-ce que tu es satisfait de ton année? Oui, je suis très satisfait. Honnêtement, ça a été une très belle saison en général, tant sur le plan personnel que sur le plan en équipe. On s'est rendu très loin cette année, c'est ça qu'on voulait, fait que je suis très content de ma saison. C'était une belle année pour les cantonniers, en finale de la Coupe TELUS, puis ça a été serré aussi, là. Ouais, c'est sûr, on a passé très près de ramener la Coupe TELUS au Québec, mais malheureusement, ça a pas marché, mais c'est pas grave, on a eu une très belle saison, les cantonniers cette année. OK. Si on parlait un peu de toi, classé au troisième rang par la centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior du Québec, tes principales forces, c'est quoi? Je dirais que c'est mon sens du hockey, ma principale force. Après ça, je dirais que je suis un gars avec des bonnes habiletés offensives et défensives. Okay. Donc, je dirais que ça, c'est mes deux forces principales que j'ai en moi. OK. Il reste quoi maintenant à travailler, peut-être, pour être meilleur sans la rondelle, quoi? Je dirais travailler surtout mes trois premiers coups de patin pour devenir un patineur plus rapide. Okay. Très important dans l'hockey d'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer à chaque jour, à chaque fois que je m'entraîne. Okay. Donc, c'est ça qu'il faut que j'améliore cet été surtout. Ouais. Si on parlait maintenant du côté des Saguenayens, écoute, ton frère Nicolas Gay, ça n'a pas été vraiment un succès avec son passage avec les Sags. Est-ce que toi, ça te... Comment tu vois ça, là, si jamais, est-ce que tu viendrais à Chicoutimi si Yannick Jean te repêcherait? Ouais, si Yannick Jean me repêcherait, c'est sûr que j'irais à Chicoutimi. Moi et mon frère, honnêtement, c'est deux choses différentes. On est peut-être, on est pas mal pareil, je dirais, sur la glace, mais hors glace, on est pas pareil tout à fait. Donc, ce serait deux histoires différentes, je dirais, puis oui, je serais prêt à venir là s'il me... Jamais il me repêcherait le 2 juin. As-tu parlé au Sags? Oui, je les ai rencontrés hier à mon école. OK. Patrick, si, du côté d'un joueur de la Ligue nationale, quel joueur que tu aimerais te comparer? J'aime bien me comparer à John Tavares, le capitaine des Islanders de New York. OK. C'est un très bon capitaine, un très bon leader. Et il a des bonnes habiletés. Donc, moi, j'essaie de le plus possible de ressembler à lui parce que c'est un très bon joueur. OK. Ben, Patrick, je vais te souhaiter la meilleure des chances. Le repêchage est dans deux semaines. Tu dois commencer à avoir des petits papillons, là. Hein? Tu dois commencer à approcher. Ouais, c'est sûr. Je pense à. Ben, je ne me mets pas trop de pression, honnêtement. Là. C'est pas moi qui décide où que je vais aller. Donc, j'ai bien performé cette saison. Donc, je suis pas trop stressé avec ça pour le repêchage. OK. Patrick, gros merci, puis on s'en reparle. Plaisir, merci. Patrick Gay, des Cantonniers Magog, qui risque d'être un choix également des Saguenay-Chicoutimi.